sans motif, schizophrène. Du 4 au 37. Faire mélange des couleurs, je veux bien, mais je crois du noir. Je veux échanger mes douleurs avant de passer la date butoir. Lâche la coudoir et serre les poings, même pendant les coups durs. Ça part pendant que je rappe, mais bon, je laisse les gondir. Ils se considèrent comme des gens propres, et moi ça me casse les biens. La galère ça unit, mais ça sépare quand certains brassent des thunes, détournent de mes envies. Comme un Boeing dans un gratte-ciel, agacé par genre humain, je peux dire que Dieu doit être impartial. Mais à part ça, c'est sans motif et schizophrène. Y'a qu'en bossant nos faces que sur un strul et qu'ils osent prennent. Ce 16 me saigne, car la caisse claire est déguisée. Les apparences sont trompeuses, même tes amis sont déguisés. En guise de désespoir, c'est à vous que je me confie les gars. On devrait peut-être vendre ce monde pour limiter les dégâts. Les beaux dégâts sont dans ma tête et ils s'attardent à nous faire taire. Par terre sont mes pensées, pour refaire monde il se fait tard. J'suis venu en guerre, pas en temps de paix pour vous asservir. Ils ont tous des calibres, mais la moitié ne savent pas s'en servir. Chacun à son échelle, puisque chacun à son échec. On est cher entre frères, puisque toi tout en échoue. Faut avoir un truc de cœur, je dis oui là où d'autres refusent. Je me protège dans mon bon cœur et va pas croire que le monde m'amuse. J'suis venu en guerre, pas en temps de paix pour vous asservir. Ils ont tous des calibres, mais la moitié ne savent pas s'en servir. Chacun à son échelle, puisque chacun à son échec. On est cher entre frères, puisque toi tout en échoue. Faut avoir un truc de cœur, je dis oui là où d'autres refusent. Je me protège dans mon bon cœur et va pas croire que le monde m'amuse. L'avenir de nos yeux clos, assis sur le perchoir, y'a pas le choix. Ici ça pue et je vois les perchoirs, les portes se ferment. Et sans motif, les défonce d'un coup, tout à coup. Sur un saut mort, on s'appelle ça un coup. Nous on débat, armé de lyrics, Tony Truant. Nos idoles sont Jack mais suivi de Tony Truant. Et ouais, c'est clair, ici c'est pas la joie qu'on murmure. On est peut-être pas, mais à 16 piges, ici on murmure. Trop calibré, on n'a pas le temps de passer à l'entracte. On bouffe le mic, c'est pas le moment de passer à l'entracte. Ça sonne bâtard, ici du 3-7 jusqu'au 4-1. Des rimes de pute qui font mal aux oreilles des catins. J'ai un tout baiser, des barricades et jusqu'aux sentinelles. La haine ça tue, si à l'échelle c'est que le sang s'y mêle. Hardcore à mort, et un flow interdit au tabac. Viens pas tester, ce qui s'en motive, Manon on tabac. J'suis venu en guerre, pas en temps de paix pour vous asservir. Ils ont tous des calibres, mais la moitié ne savent pas s'en servir. Chacun à son échelle, puisque chacun son échec. On est cher entre frères, puisque toi tout en échoue. Faut avoir un trou du cœur, je dis oui là où d'autres refusent. J'me protège dans mon bunker et va pas croire que le monde m'amuse. J'suis venu en guerre, pas en temps de paix pour vous asservir. Ils ont tous des calibres, mais la moitié ne savent pas s'en servir. Chacun à son échelle, puisque chacun son échec. On est cher entre frères, puisque toi tout en échoue. Faut avoir un truc du cœur, je dis oui là où d'autres refusent. Je me protège dans mon bunker et va pas croire que le monde m'amuse. Non, non, non. Les gens te rappellent, veulent te stopper, veulent ta perte. Si ça tape à ta porte, surtout n'avoue pas que t'as peur. Persiste dans les efforts, faut te construire malgré toi. Je dédicace à mon sang, s'accroche-toi au crédit. On sait que la route est longue et c'est pas faute d'avoir marché. Les tafs font des marchages pour des espoirs cachés. Des semaines à chier, des week-ends à rien faire. En croisade du bon chemin, c'est moi-même seul que je m'enterre. Faut que je m'en tire vieux, mais le diable répond à mon cellulaire. Faut que je l'esquive celui-là, solitaire sur mes bulles d'air. J'ai pas gagné le pôle d'or, mais souvent on va y me tuer. À conscience, le port d'armes, j'en fais pas de vanité. Eh, tu te feras niquer si tu te mets trop en avant. Si tu veux y arriver, sache qu'il faut ramper un plat ventre. J'ai brillé les enceintes, un gros doigt au Tommy. Si t'as pas compris l'approche, je la domine, je la domise.